Chapitre 10. Et il y eut une réunion des prêtres, et ils dirent, « Faisons un voile ou un tapis pour le temple du Seigneur. » Et le prince des prêtres dit, « Appelez vers moi les vierges sans tache de la tribu de David. » Et l'on trouva 7 de ces vierges. Le prince des prêtres vit devant lui Marie, qui était de la tribu de David, et qui était sans tache devant Dieu. Et il dit, « Tirez au sort, laquelle filera du fil d'or, et d'amiante, et de fin lin, et de soie, et d'hyacinthe et d'écarlate. Et la vraie pourpre et l'écarlate échurent à Marie par le sort. Et les ayant reçus, elle alla en sa maison. Et dans ce même temps, Zacharie devint muet et Samuel prit sa place. Jusqu'à ce que Zacharie t'adressa de rechef la parole, ô Marie. Et Marie, ayant reçu la pourpre et l'écarlate, se mit à filer.